Partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Dans les coulisses de Bérénice, vous venez d'écouter Black Pumas. Je vous retrouve deux fois par mois, un lundi de 19h à 20h. Cette émission est enregistrée avec toutes les mesures sanitaires. Je me suis déplacée pour cette émission puisque je me trouve à Vendôme. J'ai souhaité donner la parole à Richard Gauvin et je suis dans les locaux de Figure Libre. Bienvenue dans les coulisses de Bérénice, Richard. Bonjour. Alors, le concept de l'émission est tout d'abord, en fait, de connaître ton histoire, comme je te l'expliquais tout à l'heure, et de voir ce qui t'a emmené de près ou de loin au secteur de la culture. Alors, tu as beaucoup de vie, hein. Moi, j'appelais ça beaucoup de vie. Toi, tu m'as dit non, j'ai qu'une seule vie. Donc, tout d'abord, quelles sont tes origines? D'où viens-tu? Alors, je suis né à Blois, donc dans le Loir-et-Cher. J'ai passé mon enfance dans un petit bled qui s'appelle Trau, T-R-2-O, que je conseille à tout le monde en visite. C'est un bled troglodyte à la limite de l'Indre-et-Loire et de la Sarthe, ça reste dans le Loir-et-Cher, à côté de Montoire sur le Loir. Enfin bon, voilà. J'ai fait mes petites études à Blois et ensuite à Tours, ensuite à Munich en Allemagne, un petit peu. Et voilà, pour pas avoir d'énormes diplômes. Et je pense que, enfin voilà, je suis issu d'une famille, classe moyenne, une maman institutrice, un papa dans l'agriculture, un frère, une sœur, un frère décédé assez jeune, donc voilà, ça a peut-être joué aussi sur mes petites envies de vouloir tout bien faire derrière, pour plusieurs, on va dire. Une grosse passion pour la musique, des achats de disques dès le plus jeune âge, assez conséquent, un peu trop pour mes parents parfois, et voilà. Et puis un amour pour l'événementiel, la fête, et sans être... Donc tu me disais que t'avais une passion pour l'événementiel. Ouais, une passion pour l'événementiel, la fête, mais alors la fête, réunir des gens surtout, c'est pas la fête au niveau... Être un alcoolo, ou je sais pas, enfin du tout, parce que j'ai passé une enfance justement où j'ai été plutôt dans le sport un petit peu de haut niveau à une période, et donc jusqu'à l'âge de 24-25 ans, j'étais très straight, on va dire, et avec beaucoup d'heures d'entraînement par semaine, donc c'était pas du tout. Mais j'adorais réunir les gens, les soirées, les copains, les copines, la musique et tout ça. Donc, évidemment, l'aspect événementiel, l'envie d'organiser et cette passion pour la musique amène directement, après quelques années, à du montage d'associations pour aider notre petite collectivité vendômoise à la base à les aider à programmer, par exemple, sur des petits concerts. Parce que malheureusement, une collectivité locale n'a pas forcément les capacités de comprendre tous les milieux dans la culture ou même dans d'autres sphères, et la chance de s'appuyer sur des forces locales c'est ce qu'a compris notre maire à l'époque en 1994, et donc j'ai été embauché dans un premier temps à la mairie, et dans un second on a transformé ça en association. Et c'est devenu une délégation de service public. D'accord. Figure libre aujourd'hui, l'association. D'accord, donc il y a une histoire. Et ça date de quand finalement ? Alors moi, j'étais embauché en 94. Mon premier contrat avec la collectivité date de 94. D'accord. Pour organiser les locomotives sur la troisième édition. En fait. D'accord, donc en fait, très rapidement, en 94, ça te faisait quel âge là à peu près ? 25 ans. Oui, donc t'étais jeune. Ouais. Et donc assez rapidement, t'es rentré dans la vie associative et Locomotive a été créée. Tu es le fondateur en fait. Non. Tu es pas le fondateur ? Non, c'était ma troisième édition. Ça a été fondé par l'équivalent du service jeunesse à l'époque. Et c'était plus des ateliers musicaux au cours de la semaine avec un concert en fin de semaine. Ensuite. La mairie a décidé de voir l'aspect plus culturel que animation, sans oublier l'animation autour de ça, hein, qui a perduré un petit peu avec le service animation jeunesse de l'époque. Mais moi, j'ai intégré à ce moment-là, en 1994, dans un rôle de programmateur et coordinateur de différentes associations. Et ensuite, c'est revenu complètement à la mairie et voilà, j'ai fait la programmation depuis 96. Donc Locomotive, c'est une programmation assez rock ? Non. Pas du tout ? Non. Elle est plutôt, rock au sens large, oui. Je veux dire, c'est plus, dès 95-96, il y avait des choses très pointues qui touchaient à des musiques expérimentales comme Bastard ou des choses comme ça. Et il y avait 95, il y avait 96 ou 95, Dominica, Catherine, on touchait à la chanson et tout ça. Non, c'est pas forcément rock, guitare et tout ça, non, du tout. Et après, on a suivi l'évolution. Le hip-hop a fait son apparition au sein des locomotives, mais avec des projets qui correspondaient à l'esthétique même. Nous, on n'est pas attaché à des styles musicaux, on est plus attaché à des manières de proposer les projets artistiques. On va en parler. Historiquement, on déteste les soirées à thème, en fait. Mm-hmm. La soirée électro, la soirée rock, la soirée reggae, je sais pas. Non, on s'en cogne. Enfin, c'est, mm-hmm. On est aussi des militants de l'ouverture d'esprit. Donc, voilà. Mm-hmm. Totalement. Qu'est-ce que tu écoutes, toi, personnellement, à cette période-là? Ou qu'est-ce qui t'a bercé à ce moment-là? À cette période-là, quelles sont tes influences? Parce que tu as été influencé, quand même, sur la suite, les programmations. Ouais, bien sûr. Alors, quels sont tes goûts musicaux? Le début des années 90, on est évidemment, et surtout en province, comme ça, on est plus à même de programmer la scène nationale. Donc voilà, ça va de... Moi j'aimais beaucoup, enfin ça allait des Têtes Raides au Tugs par ailleurs, à Sloy, à Diabolo Gomme, la scène underground à guitare française, mais aussi l'émergence d'artistes comme Dominica, Catherine, tout ça m'ont vachement touché, Françoise Breut, Miossec, tout ça c'est évident, et après voilà, enfin, et après dans mes écoutes, parce que ça c'était vraiment... Ce qu'on avait de commun un petit peu avec nos amis qui écoutaient un peu la même chose, la volonté de coller à une époque aussi, donc de coller à une esthétique au niveau national et tout. Mais déjà à l'époque, j'adorais j'adorais, c'est un peu branleur de dire ça, mais j'aimais bien le fait d'avoir déjà une certaine ouverture d'esprit sur les projets et tout, enfin sur... Sur voilà, et à côté de ça, ben voilà, moi j'étais un gros fan d'une certaine scène américaine avec des groupes comme Viola Tango, Violente Femme, et aussi en Grande-Bretagne, évidemment, j'ai été touché par les Clash, par les Pogues, par ce genre de choses, cette période-là. Et c'est aussi cette chance, mais c'est pas que de la chance, c'est aussi la volonté d'être respectueux des mentors, des gens qui étaient peut-être un peu plus âgés que moi et qui avaient une culture musicale assez, assez carton. Et mes années de fac à Tours, je pense à 2-3 personnes qui ont compté énormément pour moi sur mes goûts musicaux et certainement ceux que j'ai encore, en tous les cas une certaine approche de notre monde, de la musique en tous les cas aujourd'hui, et qui est chouette, quoi. Donc voilà, j'ai plutôt écouté de l'underground. Après, j'ai des parents qui n'étaient pas forcément des gros gueudins de musique, des tarés, des tout ça. Mais il y avait du Barbara, du Brel, du Brassens, du Léo Ferré, quelques classiques de jazz, et voilà. Et ça, c'était vraiment quand j'étais tout petit. Mais voilà. Mais le truc est que j'ai eu, entre guillemets, plusieurs papa-maman dans le milieu de la musique pour... On ne peut pas, de toute façon, apprendre seul à découvrir des choses, c'est pas possible. Enfin, on est tous toujours influencés par son environnement, mais après, je préfère être influencé par des gens chouettes que dirigé par des gens que je connais pas, que je ne connais pas. Donc j'ai toujours été méfiant de la presse, par exemple, de tout ça. Enfin, voilà. C'est pas la presse d'ailleurs, aujourd'hui il faut s'en méfier d'autant plus. Quoi, mais... On va en parler justement dans une des parties de l'émission, justement, puisque on va rentrer dans ta perception des choses, et tu m'as dit quand tu as accepté l'interview, j'ai vrai que j'ai des choses à dire. Donc pour moi c'était fort, il y avait un message et une perception importante, tu vois. C'est pas j'ai des choses à dire, c'est pas que je me sens plus important qu'un autre et tout ça, mais je pense que aujourd'hui dans nos médias traditionnels il manque une certaine vision des choses, mais c'est dans la musique et par ailleurs, enfin, je veux dire, on a l'impression que dès que, enfin, je le vois sur des émissions, même France Culture, de France Culture à LCI, hein, enfin, un grand écart, mais la parole opposée est très peu représentée. Enfin, voilà, moi, je me sens aujourd'hui et minoritaire idéologiquement et minoritaire dans notre petit milieu musical. Ouais, mais c'est voilà. Ce qui m'intéressait aussi dans ta perception le message que tu... C'est pas un truc, j'ai des choses à dire, je me sens au-dessus de la masse. Enfin, non, c'était pas comme ça que je l'ai vu du tout. Enfin, et c'est pas comme ça qu'il faut le voir en effet. Mais je pense qu'il y avait derrière cette phrase, comme tu disais, une idéologie et comme tu disais, une minorité, quelque chose. Voilà, pour moi, ça me semblait vraiment important de venir vers toi et d'aller plus loin, justement, sur cette émission. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire une première pause musicale, puisque c'est toi qui as fait la playlist. Tu as choisi, puisque tu fais partie d'un label qui s'appelle Figure Libre. On en a parlé un petit peu. Figure Libre Records, ouais. Voilà, voilà. On fête notre 8e, on n'a pas fêté ça, mais on sort notre 8e disque. Et c'est un jeune artiste de Tours sous le nom de Opaque. Et c'est un disque qu'on sort à 300 exemplaires. C'est déjà disponible d'ailleurs sur les plateformes musicales. Mais on le sort en vinyle avec le CD à l'intérieur d'ailleurs. Et c'est sur notre label qui s'appelle Figure Limb Records. Qui est une... Moi j'ai toujours adoré le disque, c'est ma première passion en fait en vrai. Donc voilà. Bah oui, c'est un retour là en ce moment. Donc on peut en parler parce que le disque a disparu. On a eu les DVD. Enfin, il est pratiquement disparu. Ouais. Ensuite, là, il y a le streaming qui est arrivé, qui est toujours bien existant. Et puis maintenant, on a un retour en effet des disques, des vinyles et puis un petit peu des cassettes aussi. Donc Opaque, donc là, est sorti donc en vinyle. C'est ça que tu disais. Sort là ces jours-ci. Là, ouais. Donc dans quelques jours, donc. C'est une belle découverte. Donc c'est Lizard, donc il est musicien donc sur Tours, donc c'est notre région, et donc c'est un extrait de l'album In Fragments, qui est sorti déjà le 14 octobre. J'avais noté. Ouais, alors c'est sorti sur les plateformes le 14 octobre. Voilà. Moi, quand je l'ai en physique, écouté, je connaissais un petit peu Pierre Alexis. Je me suis dit, mais ce disque, en gros, ça m'emmerdait que ça ne soit que en streaming et tout ça. Il y avait besoin d'un physique, ça, exactement, ça méritait. Exactement, et ce genre d'artistique s'y prête en plus. Et donc voilà, et on a déjà plein de précommandes, c'est très chouette. D'accord, donc grâce à Figure Libre Records. Ouais, oui. Oui, totalement. Donc on s'écoute tout de suite Opaque, à tout de suite dans quelques minutes. Season is reaching the end. It says it held on the world. We never left his dream. Yes, death got his dreams. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Vous venez d'écouter Opaque et mon invité est Richard Gauvin et je suis à Vendôme dans les locaux de Figure Libre. Voilà. Donc Richard, tu nous as évoqué tes origines, ton parcours d'études et le lien qui te lie aux Rocomotives aujourd'hui. Donc tu as, moi j'appelais ça des casquettes, ou plusieurs vies, celle de programmateur donc des Rocomotives. Tu es aussi manager dans un label. Alors, c'est manager d'artiste, mais sinon je suis manager, on va dire, la fonction des choix artistiques sur le label. Voilà. Et puis, tu fais partie d'une association aussi, C'est dans le cadre de cette association-là que je travaille tout ça. Ouais. Voilà, d'accord. Ouais, donc, il y a une association qui s'occupe des Rocomotives, c'est ça? Je préfère expliquer, c'est l'association Figure Libre, c'est une délégation de services publics avec... Donc c'est la collectivité locale, donc l'agglo de Vendôme, qui s'appelle le territoire vendômois, qui nous confie la mission d'organiser des concerts sur le territoire vendômois à l'année, plus les Rocomotives. Nous, après, au sein de l'association, on fait plein d'autres choses qui vont de l'action culturelle plutôt exercée par... on a la chance d'avoir Jocelyn qui est un pont de tout ça. Et là, par exemple, on en parlait hors micro. On a organisé énormément de concerts dans les écoles, là, surtout le mois de mars, dans les écoles primaires et tout ça, en respectant évidemment toutes les normes sanitaires. Et ça a été génial, déjà pour les artistes, pour les élèves. On a senti que ça avait un effet incroyable pour le mental de tous, en fait, même pour nous. Et voilà, et on a d'autres activités comme un événement qu'on fait dans un bled à 10 km de Vendôme qui s'appelle Torré-la-Rochette, un bled de viticulteurs que je conseille un peu à tout le monde avec du très bon vin autour du Vendômois. Et là, on fait une sorte de fête populaire mais en amenant des choses assez pointues culturellement, pas que musicales d'ailleurs. On a la chance de s'associer avec d'autres structures qui proposent des choses. D'autres sphères culturelles, mais avec la même envie et la même manière de voir, la même vision sur les choses. Et on a aussi un festival qui s'appelle le Charivari Jazz Festival, qui est un festival de musique improvisée qui devrait avoir lieu du 1er au 10 mai, mais qui certainement n'aura pas lieu, on le sait tous. Et là, on travaille avec une structure qui vient de Détroit, un Français qui est installé là-bas. Donc chaque année, bon, pas cette année, mais... On essaie de faire venir 2-3 artistes qui viennent de Détroit et viennent se confronter à nos artistes sur le territoire, enfin la région. On travaille aussi avec les structures comme le Capsule Collectif à Tours, historiquement le Tri Collectif à Orléans, qui a plus ou moins disparu ou alors qui est en stand-by en ce moment. Mais voilà, on se débrouille pour faire plein de choses. Et moi, je suis un gros passionné du disque et... à titre perso, j'avais déjà travaillé pour des petits labels, Et là, on a décidé de relancer la machine au sein de notre association Figure Libre, organisatrice de tout ce que je viens d'énumérer. Et là, c'est le label Figure Libre Records que je conseille à tout le monde. Il y a un site internet et tout ça. Pas hésiter à écouter. Là, on est à notre 8e sortie. On a 4 d'ici la fin de l'année encore. Et sur les... c'est assez marrant, on s'en est aperçu dernièrement. C'est juste un hasard, mais il y a seulement un artiste qui n'est pas de notre région signé sur le label. D'accord. Vous avez combien de... Vous soutenez combien d'artistes à travers ce label? Alors, on a sorti 8 disques pour l'instant, c'est 8 artistes différents. Voilà. D'accord. Très bien. D'après toi, en tant que programmateur, quelles sont les missions d'un programmateur aujourd'hui? Ou quelles doivent être, ou quelles sont pour toi les missions? Alors, Alors, au sein de l'association, on a cette mission de service public d'organiser un festival. Le festival a telle couleur qu'on lui a donnée historiquement. Donc on est plus allé pop-rock, musique underground, électro, tout ça, C'est pas un festival de ska, c'est pas un festival de reggae, c'est pas un festival de... C'est un choix. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir une identité sur, enfin donner une identité à un festival, c'est aussi avoir une force artistique derrière et une manière de proposer les choses. Donc on fait très attention à notre programmation, on évite les groupes, enfin les artistes qui vont plus penser à installer le merchandising et savoir où brancher la carte bleue que de faire des balances, par exemple. Enfin, voilà, enfin, c'est très important pour nous d'avoir des passionnés en face de nous. Enfin, j'aime bien quand on parle la même langue, en gros, quoi. Et ça, on s'est trompé, hein, des fois, dans notre approche du truc. Ça nous arrivait. Moi, j'ai quelques hontes, on va dire. Mais rien de grave non plus. Et ça, c'est un truc... Alors après, à titre perso, bien sûr que moi, je sais que j'y ai mis ma patte depuis 1994 avec... Ma patte a évolué aussi, des goûts qui s'affirment, des changements de posture de temps en temps, enfin voilà, j'ai des convictions, mais sans avoir de grosses certitudes, donc j'aime bien me faire bousculer aussi, et j'aime bien qu'on m'apporte la contradiction, ça j'adore ça, et là je peux être têtu, mais voilà, c'est c'est vraiment... je serais incapable demain de programmer un festival de je sais pas moi de trucs qui me passionnent pas, enfin voilà, je en fait c'est le milieu de le rôle de directeur artistique sur un festival comme les Rocomotives, c'est, enfin de programmation on va dire, c'est-à-dire c'est parce qu'on a une passion pour tel et tel et tel secteur musical, une telle manière de voir les choses, qu'on fait ça. C'est pas « Ah ben tiens, je vais essayer de trouver un festival et puis être programmateur sur le truc. Ça, » ça ne marche pas, ça. Enfin, c'est comme un commerçant qui va s'improviser « Ah ben, il n'y a pas de disquaire à Vendôme, je vais monter un magasin de disques. » Non, ça marche pas, ça. Enfin, l'étude de marché. Non, on a la passion du disque, donc on vend des disques. Mais c'est pas il y a un trou à Vendôme, il n'y a pas de magasin de disques, on a déjà vu ça d'ailleurs, j'en parle assez librement parce que voilà, des disquaires qui ont voulu monter ce commerce parce que ça n'existait pas à Vendôme se sont tous plantés, en fait, en vrai. C'est comme un café si on n'a pas un bar, hein, tout ça, hein, si on n'a pas la passion d'une certaine sociabilité et tout ça, c'est impossible de c'est une relation humaine, hein. Voilà, c'est pas un business, quoi. Exactement. Ça le devient, c'est faut en vivre, mais voilà, quoi, c'est... Donc voilà, moi j'ai plutôt ce truc d'être, c'est apprendre ou à laisser, quoi, en gros, quoi. Enfin, voilà, le jour où il y a plus de public pour nous suivre parce que j'ai des goûts complètement extrêmes ou quoi que ce soit, ben j'arrêterai, mais au moins je serai allé au bout de mes convictions sans concession. Très bien. Jusqu'au bout de ces... Sans trop de concessions. Sans trop de concessions. On en fait toujours un peu, et c'est logique. Voilà. On parlait tout à l'heure des réseaux de musique. Moi, j'avais une question sur laquelle je ne sais pas... Enfin, je te pose la question. Est-ce que tu crois qu'il est indispensable d'intégrer un réseau pour pouvoir être dans le milieu culturel ? C'est compliqué parce que moi je connais pas assez les c'est pas trop ma partie au sein de l'association déjà. Après moi les réseaux, mes réseaux, et il faut en avoir, il faut, enfin moi j'adore, je le disais tout à l'heure, j'adore avoir des convictions mais jamais de certitude, et donc c'est en se confrontant aux autres qu'on peut avancer. De toute façon, si on est borné à 40 balais, ben on est mort cérébralement à 50. Enfin, c'est foutu. Mais ça, c'est pas que dans la musique. Hein. Les gens qui ont trop de certitudes sont parfois pénibles. Hein. Enfin, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, dans certains domaines, il faut en avoir des certitudes, enfin des convictions. Parce qu'il y a une lutte à mener, enfin, politique, entre autres, enfin, vu les circonstances aujourd'hui, enfin, c'est un peu hallucinant. Et là, il faut être virulent, à mon avis. En fait, il faut se rassembler pour être plus fort. Ah ben complètement, mais après, comment le fait-on ? Moi, j'ai pas envie d'intégrer tel syndicat parce que on va réussir à défendre des petits bouts de machin et tout. Mmh. C'est pas le problème. C'est juste, moi, mon réseau, je me le suis fait. Mmh. J'ai des potes très proches avec qui, je sais pas, on s'entend super bien et tout ça, et qui vont me conseiller musicalement ou qui vont me parler de trucs, mais que j'écoute pas. Mmh. Et il y a des gens qui sont plus éloignés. Mais tu restes ouvert. Qui, dû à 2-3 expériences, je vais écouter absolument sur qu'est-ce qu'ils ont écouté ces derniers mois, qu'est-ce qui les a marqués et tout ça. Et je veux dire, il n'y a pas de règle en fait. Enfin, donc c'est selon les rencontres et tout. Enfin, moi, j'adore discuter de tout un tas de choses, de musique et tout ça. Mais encore une fois, et je le dis assez régulièrement, les goûts musicaux, pour moi, c'est un truc. C'est un peu comme la religion. C'est chacun fait bien ce qu'il veut. Enfin voilà, on peut écouter. Enfin, moi, je n'empêcherai jamais quelqu'un d'écouter le best-of de Florent Pagny. Mais par contre. Là où on peut se battre, où on peut se taper sur la gueule, et vraiment, c'est sur le volet, pour moi, qui est politique, c'est la manière de faire derrière. Justement, on va en parler lors de la troisième partie. Okay. Mais les réseaux, pour moi, ça peut être hyper important. Je fais partie d'une super structure historique qui s'appelle Deux Concerts, qui réunit une trentaine de festivals. Ça va des Eurocaines de Belfort aux Vieilles Charrues, en passant par le Paléo en Suisse, les Trois Éléphants à Laval. Le FME au Québec, des choses comme ça. Je pense qu'on est au moins l'un des trois plus petits avec les locomotives, mais voilà. On s'y plaît. Après, la situation en ce moment est un peu perturbante, donc je ne pense pas être en accord avec tous les collègues dans cette fédération aujourd'hui. Après, tout reviendra. Moi, je peux comprendre, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. On n'a pas tous les mêmes modes de financement, les mêmes appréhensions, les mêmes tout ça. Enfin, donc voilà, mais un jour il faudra faire un bilan et remettre tout à plat, parce que là c'est pas possible. Enfin, moi je milite, par exemple, c'est un exemple, hein, mais beaucoup de festivals ont eu tendance à nier un peu la mission de service public en fait au sein de leurs événements. Donc c'est un peu un gros bras d'honneur à l'argent public, en gros, et voilà. Et donc, moi, je connais quelques festivals où c'est les collectivités locales qui viennent voir les festivals en disant « Mais nous, on veut vous donner de l'argent, on veut notre logo sur l'affiche, on veut profiter de votre image et tout ça. » Alors, ils ne le disent pas forcément comme ça. Et ça, historiquement, j'ai plein de collègues qui me disent « du coup, on n'a pas besoin de notre collectivité locale. » Sauf qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, là, avec cette pandémie de merde... On va avoir besoin. Eh ben ouais. Ça va être au détriment des petites structures qui comptent sur le service public bien à terme. Sûr. C'est ma crainte. Et moi, je suis un militant, mais c'est même pas... J'en ai rien à foutre ou quoi que ce soit. Je ne suis pas neutre. Je suis un militant du non-mécénat. Alors, c'est peut-être dur de dire ça. Dans les tendances. Moi, je sais pas. Enfin, voilà. Enfin, des structures culturelles... Je veux dire, il n'y a pas plus d'argent public dans le milieu de la culture que dans le milieu de l'automobile en France. Faut le savoir déjà. Oui, il y a beaucoup. Parce qu'on a tendance, et c'est devenu une expression d'ailleurs dans le milieu journalistique, ces gens-là se comportent comme des intermittents du spectacle. C'est-à-dire, on bosse quand on veut, ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est un vocabulaire qui prend concrètement le pas sur la réalité et qui déstabilise en termes d'image le milieu culturel. Mais il faut savoir que Renault, Peugeot, tout ça sont ultra subventionnés. Et c'est pas grave, moi je suis pour ça. L'aide à l'emploi, l'aide à tout ça, une répartition des richesses et tout ça. Enfin, moi je suis de gauche, je l'affirme totalement. Le mécénat, je me suis fait traiter de bolchevique un jour en disant « mais... tu es contre le mécénat, mais c'est pas possible, t'es un bolchevique. » J'ai dit, mais attendez, le mécénat, c'est un truc... Enfin, voilà, par exemple, je sais pas, il y a telle banque qui va débouler. Moi, j'ai plusieurs exemples. On a eu le cas, par exemple, avec une banque qu'on a eue à Vendôme, qui nous donnait 3000 euros sur les locomotives chaque année, pendant 3 ans. Et une année, on leur a demandé 4000. En disant, on met votre logo aussi sur toute notre programmation à l'année, est-ce qu'on pouvait faire l'effort ? Enfin voilà. Et ils ont refusé. Il a dit non, c'est 3000 pour tout, et c'est à prendre ou à laisser. On a dit, on laisse. Et, pendant ce temps-là, la même banque allait financer un festival qui venait de se créer à Orléans, de copains et tout, et je suis très content, et qui donnait 4 fois plus. Donc, déjà, on peut noter une fracture sur les territoires entre les métropoles et le milieu rural. Enfin, voilà, nous, on est à Vendôme, à Orléans, c'est plus porteur. Après, moi, je comprends la stratégie. Je ne suis pas débile. Si je suis, marketeur auprès de cette banque, je vais plus à Orléans qu'à Vendôme. C'est plus porteur, il y a plus de jeunes, il y a plus tout ça. Mais moi, je n'ai pas voté pour le directeur marketing de, de cette banque. Je n'ai pas voté pour eux. Je vote pour des élus. Et à eux de réguler ça entre territoires, par exemple. Enfin, voilà. Puis là, il s'ajoute aussi un, d'autres problèmes. Hein. C'est juste... on va compter sur... Mais le jour où le financeur privé... et là, c'est le cas en ce moment. Il y a des boîtes qui sont au niveau international... Qui ferment le robinet. Hein. Qui ferment complètement le robinet. Et nous qui avons misé, je parle de nous, les locomotives, comme d'autres structures, sur ce pourcentage d'argent public et tout ça, voilà. On sait très bien qu'on va se faire couper les ressources à terme dans les 2-3 ans à venir au profit de ces gens qui ont négligé, qui ont même méprisé l'argent public, mais qui vont aller le chercher là, parce qu'il y a urgence pour sauver leur... Donc au nom de l'emploi, parce qu'il y a plus d'emplois, il y a plus d'images, il y a plus tout ça. Ces gens-là, on va leur donner raison. Et c'est pas grave. Je peux comprendre. Mais j'espère que ces gens-là vont réfléchir quand même à leur mission réelle et tout. On ne peut pas aller vers une... Bon, il y a d'autres sujets concernant les gros festivals et tout ça. C'est la course à... C'est international, hein, ça. Il y a des groupes en France, il faut le savoir. Alors, tu sais, un groupe comme Rage Against the Machine n'arrivait plus à jouer en France tellement plus personne n'arrive à payer le réel cachet qu'il demande par rapport à des pays de l'Est ou des choses comme ça. Souvent, les grosses têtes d'affiche ont des cachets qui sont énormes. Ouais. Et je vais t'interroger par rapport à ça, parce que ça m'intéresse de connaître un petit peu ton avis là-dessus. On va s'écouter le deuxième titre que tu as sélectionné, qui est Gezir, qui est bien sûr toujours sorti sur Figure Libre Records. Ouais. Et donc le titre, c'est Vague. Est-ce que tu peux m'en parler 2 minutes? Gezir, c'est déjà des proches humainement, parce que des réels potes, hein, c'est un couple. On se connaît depuis la fin des années 90. Lionel a un parcours aujourd'hui, il est un peu producteur. Il fait du mix, il fait du mastering, il a ses projets. Il joue les musiciens pour Yann Tiersen. Il est dans des projets différents. Enfin, c'est l'ouverture d'esprit, mais avec une propreté intellectuelle aussi, et que j'apprécie. Et également... une manière de faire, moi, que j'apprécie énormément. Enfin, voilà. À tout de suite après Gessir. J'ai pris un verre d'eau. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Je suis en compagnie de Richard Gauvin, de Figure Libre. Et on était en train... je souhaitais aborder, en fait, lors des festivals, l'offre et la demande. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. C'est le montant des cachets, les budgets attribués à certaines stars... et qui, moi de mon côté, alors ça c'est bon, chacun voit les choses comme il veut, mais est-ce, voilà, on ne dilue pas assez les fonds au détriment des grosses stars. Voilà, et on ne répartit pas assez les budgets. Et toi, de ton côté, tu me dis, mais c'est parce que c'est une histoire d'offre et de demande. Et puis, le public, lui, ce qu'il veut, c'est venir sur des festivals et voir une tête d'affiche. Voilà, il faut aussi fonctionner comme ça. C'est ce que tu me disais, en fait. Bah oui, complètement. Mais ça, c'est un... Enfin, je veux dire, mais je ne pense pas qu'un festival ou une structure... enfin, que ce soit un gros festival, un petit festival, ait ce rôle de régulateur, en gros, quoi. Je veux dire, il y a de l'offre, de la demande. Aujourd'hui, c'est comme ça pour avoir la tête d'affiche. Alors nous... on a moins de pression parce que on a une salle de 1200 à remplir on ne se sent pas obligé d'ailleurs de faire le plein chaque année. On veut un équilibre, en fait. On veut une sorte d'équilibre de fait sur le festival en tant que tel. Donc si nous, quand on remplit des cases, notre puzzle sur le festival, déjà on évite le copier-coller. Mais c'est surtout, s'il n'y a pas la tête d'affiche qui nous convient telle année, ben on fait moins de dates, on fait moins de grandes salles ou quoi que ce soit. On s'adapte. Mais on ne veut pas détériorer l'image du festival parce que il nous faut à tout prix la tête d'affiche un peu. Enfin voilà. Et après, sur les gros festivals, ben oui, s'il faut Muse ou Booba ou des choses comme ça, avec des choses qui dépassent le million d'euros pour ou les 500 000 euros. Pour faire venir les jeunes et tout ça. Enfin, je veux dire, on répond à un truc qu'on vit mais quotidiennement dans notre domaine, dans le domaine de l'alimentation, du fringue, de toutes les sphères économiques, c'est l'offre et la demande. Donc on est dans ce monde d'offre et de demande. Donc en quoi, au nom de la grande culture et tout ça, et puis on n'obligera jamais des festivals qui travaillent qu'avec de l'argent privé pratiquement, enfin leur thune, même si dans les années à venir, là, ils vont être obligés de compter sur de l'argent public, comme on le disait précédemment, on ne les obligera pas à réguler par eux-mêmes. Donc moi, à titre personnel, là-dessus je peux répondre, c'est comme dans le milieu du football, tout le monde dit « il y a de l'argent dans le football, oh là là, c'est dégueulasse et tout ». Enfin ouais. Enfin moi, ça m'est arrivé d'aller voir un match, j'ai un souvenir énorme d'un match, c'était pas un match amical, mais pas loin, c'était le vainqueur de la Coupe contre le vainqueur du championnat en Espagne, c'est Madrid-Barcelone. On était dans le Nou Camp et c'était blindé à 90 000 spectateurs, à une moyenne de 60-70 balles la place. Ben oui, il y a du fric dans le football, oui. Et après, il nous faut une force publique pour réguler ça. Enfin voilà, c'est juste, enfin voilà, prenons aux gens qui en profitent énormément pour distribuer un peu aux plus petits. Basta, enfin, c'est ça. Donc c'est le rôle de ces taxes sur la billetterie, par exemple, sur les événements et tout ça, et qui sont redispatchés pour de l'aide à la création, pour de l'aide à la tournée, pour les petits, pour les plus petits. Quand je dis petits, en termes de valeur, souvent, c'est pas forcément plus petit, mais qui ont moins la main mise sur les médias, enfin, qui ont moins une visibilité dans les médias et tout ça. Ben oui, quand il y a des sphères économiques qui sont argentées, voire orées là-haut, ben, faut les taxer. Enfin, c'est comme dans tous les domaines. Faut les taxer pour aider les autres à bouffer. Enfin, c'est le principe d'une société, c'est le principe du bon fonctionnement d'une société. Donc voilà. Donc ce qui n'existe pas dans le milieu de la musique aujourd'hui, c'est-à-dire cette régulation, elle est au niveau national, mais elle est au niveau international, hein. Faut pas rêver. Et pourtant, bordel qu'il y a du fric à prendre dans le milieu de la musique, hein. C'est pas un hasard si des grosses sociétés américaines ou autres, ou même françaises, la Vivendi ou AEG ou les Live Nation arrivent dans ce milieu-là et rachètent tout, c'est parce qu'il y a du blé à faire. Donc à un moment, s'il n'y a pas de régulation, ben, ces gens-là vont prendre le pouvoir et aller vers une uniformisation de la culture, basta. Enfin, c'est que ça, mais c'est pareil dans le milieu de l'agriculture, dans le milieu de l'automobile, dans la pêche, dans tout. Si on n'a pas une force publique derrière pour réguler tout ça, c'est mort. C'est pas un hasard si aujourd'hui on se retrouve avec où on est dans la cinquième puissance mondiale ou sixième et qu'on a 14% de personnes sous le seuil de pauvreté. Enfin, je veux dire, je fais un peu de politique là, mais enfin, c'est une réalité de terrain. Enfin, dans la musique, dans la culture et dans d'autres sphères économiques. Et c'est pas différent. Tout à fait. Quelle est ta perception des choses et l'évolution des musiques actuelles dans les années à venir? Alors, le Covid, est-ce que c'est... Enfin, hors Covid ou pas hors Covid, comme tu veux, dis-moi comment tu vois les choses, les années qui arrivent, là. Comment tu vois... c'est assez large hein, comme question. Ouais. Hein, mais... Alors, il y a eu... évidemment, il y a plein de choses qu'on constate bien avant le Covid, c'est-à-dire... il y a un truc facile à comprendre, hein, c'est pendant toute une période, enregistrer un disque pour un artiste, il fallait passer par des studios d'enregistrement, donc être signé, donc avoir des budgets derrière, donc avoir des maisons de disques bourrées de passionnés jusque dans les années 90. Dans les maisons de disques, moi j'ai connu cette période avec des potes qui bossaient en direction artistique, chez les Virgin, la Sony et tout ça, et c'était bonheur parce que voilà, il y avait de la passion, il y avait tout ça, et on mettait des budgets sur des groupes, on va dire underground, qui pouvaient percer un petit peu, puis quand ça vendait un petit peu, ben, au moins on pouvait faire vivre ces artistes et une partie de la maison de disques, enfin ramener. Aujourd'hui c'est plus complexe pour deux raisons. Déjà, sortir un disque, on n'est plus obligé d'aller en studio, on peut le faire à la maison. Et avec moins de possibilités de grosses productions, de trucs parfaits. Mais par contre, il y a des ingé-sons qui maîtrisent énormément. Et puis le matériel est devenu un peu moins cher qu'à une époque. Voilà. En fait, avec un home studio, on peut se faire un disque à la maison. C'est le cadeau pack, le premier extrait fait. Donc tout fait à la maison, batterie, violon. Batterie, piano, violoncelle, guitare. C'est lui qui a tout fait d'ailleurs, lui, qui est instrumentiste. Il y a une deuxième raison à ça, c'est aujourd'hui, dans les maisons de disques, 90% des jeunes embauchés ont les mêmes formations que dans les banques. Donc ça reste un... C'est pas que c'est un problème, c'est juste que ben, ça touche au fin fond de la... Enfin, c'est très représentatif de notre société actuelle. C'est la génération, c'est, hein, c'est voilà, il y a plus de passion, il y a juste, faut faire du blé, basta. Enfin, voilà, c'est même pas un truc générationnel, c'est juste les maisons de disques sont rentrées dans un tel domaine concurrentiel et tout ça, et on va dire entre guillemets, là je mets des guillemets devant le micro, c'est des concours de beats entre gros PDG de boîtes. Enfin, on est tous victimes de ça en fait. Hein, on est juste dans un truc qui concurrentiel, enfin qui est pénible en fait pour la culture et pour dans d'autres domaines aussi, hein, c'est pas le problème. Donc voilà, on se retrouve avec des gens qui sont d'école de commerce. Bon, moi j'ai plus trop d'amis dans les maisons de disques, évidemment. Des jeunes requins qui veulent apprendre la vie à tout le monde, c'est devenu des boîtes de marketing plus que des maisons de disques, on va dire. Il n'y a plus la passion de la musique, ou alors elle est complètement de face et voilà. Moi je vois bien quand je vais dans certaines salles parisiennes et tout ça, enfin je vois là, je bosse sur tel projet et tout, ouais, et puis bon, la personne n'est jamais devant le concert, il est au ginto au bar, enfin c'est pas possible pour moi, enfin c'est pas un milieu que j'apprécie plus que ça aujourd'hui. Mais il se fait que, parce que quand évidemment les choses se passent comme ça, mais c'est très représentatif de notre société aujourd'hui, on n'est plus dans la passion, dans le boulot passion et tout ça, on nous pousse à être dans des univers concurrentiels et c'est une sorte de renouvellement d'une dictature nouvelle génération pour moi, dictature du travail, hein, c'est générationnel et tout ça. Enfin, je sais pas, aller voir dans les banques les nouvelles générations. Enfin, ouais, évidemment, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est incroyable. tous le même look, tous, enfin voilà, c'est, enfin je veux dire, moi j'ai envie de dire, mais merci, salut, c'est cool dans ces cas-là, enfin allez vous foutre, continuez à vous foutre de la gueule de ces gens-là, parce qu'ils se foutent bien de notre gueule aussi, par ailleurs. Bon, peu importe, une fois qu'on a dit ça, il y a autre chose aussi qui a peut-être un rapport avec ce qu'on vit en ce moment, le Covid-19, la pandémie et tout. C'est juste que, ouais, faut recentrer un peu les choses, c'est-à-dire peut-être un retour au local. Moi, je vois pas des tournées de. Enfin, on fera, nous, à titre perso, on fera beaucoup plus attention à ne pas accueillir des groupes américains qui vont venir faire 3 dates en France en prenant l'avion à 12. Non, mais j'exagère, mais. Voilà, on va essayer de faire gaffe à tout ça, enfin voilà, dans notre. Et puis peut-être multiplier le nombre de concerts, mais sur des plus petites jauges, parce qu'on sait que c'est un tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les gamins n'ont plus de code. Mais ça, c'est vraiment un truc que je pense et que j'apprécie énormément. On n'est pas là à vouloir se foutre dans des cases. C'est-à-dire que, moi, à mon époque, enfin, c'était, voilà, fallait lire Les Inrecuptibles, écouter Le Noir, apprécier, je sais pas, la presse ou ailleurs. Tout ça, j'apprécie encore aujourd'hui et ça reste des bons souvenirs. Mais les gamins, eux, ils ont accès à tout sur le net et tout. Et on leur parle de musique des années 70 ou 90 et tout ça. Enfin, ou 2000, le truc. Enfin, je veux dire, on peut écouter un truc très prog-rock des années 90 et le dernier artiste un peu hip-hop autotuné d'aujourd'hui. Moi, j'apprécie cette nouvelle génération pour ça, enfin, vraiment l'ouverture d'esprit, une 360 degrés. Ouais. Donc on a plus d'artistes et plus de choses à accueillir aujourd'hui, et peut-être avec des jauges qui vont être à moins de 100. Donc c'est des petits clubs aujourd'hui, avec une régularité de programmation pour accueillir des gens différents les uns des autres, et du coup que ça puisse concerner un maximum de gens. Enfin, voilà. Donc, et une reconcentration sur les artistes de la région. Nous, on a commencé avec le label, hein. Enfin voilà, ouais. Hein, c'est tout con, mais... on leur donne une visibilité nationale, voire internationale pour certains, mais on a commencé comme ça et tout ça. Et mais de toute façon, alors certains résistent, on voit bien, enfin, les lobbies qui nous empêchent de pouvoir aller dans ce sens-là, enfin, voilà, un retour aux sources. Alors moi je ne suis pas non plus nationaliste, villiste, régionaliste ou je ne sais pas quoi, j'en ai rien à foutre de ça, c'est juste bosser avec les gens qui sont à proximité et aller dans le bon sens. Mmh. Ça ne nous empêche pas de partir en vacances à tel endroit, on a le droit enfin, il ne faut pas être des ayatollahs du truc, de la décroissance ou je sais pas quoi, enfin, c'est pas le problème, c'est juste, à un moment, c'est une réalité de terrain. Mais ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui, au niveau international, national ou quoi que ce soit, ou Europe, de toute façon, enfin, là, ils sont encore dans ce truc de se mettre un peu face à ce genre de réalité de terrain, mais ça ne pourra pas durer, on le sait. On va gagner, ces idées-là vont gagner à un moment donné. Ça sera par la force, par les problèmes écologiques, les problèmes. De toute façon, c'est vraiment. Enfin, on nous parle d'élections, bah oui, mais ces idées-là ne sont pas très représentées au niveau des candidats et tout ça. Peu importe. On sait que c'est de toute façon l'avenir dans les années à venir. Enfin, c'est voilà. Il y a quand même des gens des climato-sceptiques qui aujourd'hui disent oui, bah oui, on a eu des penseurs et qui ont imaginé l'avenir dans les années 60-70, les écologistes qui prônaient une certaine, un catastrophisme qui était pris par nos grands libéraux capitalos pour des zinzins et des marginaux. Bon, aujourd'hui, ils sont obligés d'admettre que voilà, enfin voilà, bon, il y a encore des cons qui ne l'admettent pas. Mais c'est incroyable. Donc ça va vers ça. On ne pourra pas faire autrement de toute façon. Donc là, ils sont encore contraints par quelques lobbies qui les achètent, qui voilà, enfin, c'est plus des castes de trucs de franc-maçonnerie, de je sais pas quoi, enfin de groupuscules, on parlait de réseau tout à l'heure. C'est un peu ça. Ils se réunissent entre eux, puis enfin, on voit bien que la presse est complètement aliénée. Enfin, la presse justement, pas la presse indépendante, hein, oui, oui. La presse dite... voilà. Le milieu de la presse, voilà. Tu m'en parlais tout presse, à l'heure. Ouais. Ouais, le milieu de la presse. C'est ça, enfin voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui. Un tout... recentrage sur le local et en essayant de... Et en passant par l'éducation aussi, populaire, c'est-à-dire nous, ça nous a fait énormément de bien. On a vu les résultats là, en direct avec... celle qui concerne les écoles primaires, moi, je trouve ça génial. Ouais, justement, quelle expérience tu en as tirée justement de ce contact? Je ne suis pas très surpris, dans le sens où nous, on n'attend que ça, mais le problème, c'est que c'est des choses qui pourraient être faites depuis 30 ans. Mais les musiques actuelles, c'est quand même un truc qui est incompris par le monde politique, nos élus et tout ça à la base. Et pourtant, c'est l'économie de la musique en France est quand même supérieure à l'économie de la pêche, quoi. Enfin, faut le savoir. Enfin, c'est ou de l'automobile, c'est quand même énorme. Donc à un moment, ça devrait être un truc incroyable. Enfin, bon voilà. Mais il y a cette crainte parce que, enfin voilà, évidemment, il y a des conflits générationnels entre des élus locaux, ou nationaux, ou tout ça. Enfin voilà, qui sont souvent passés à côté de ce genre de choses dans leur jeunesse et qui, à l'âge qu'ils ont, enfin malheureusement, hein, nos élus ont plutôt la soixantaine que la vingtaine. Hein, voilà, donc sont à deux générations, une ou deux générations de ces réalités de terrain. Et donc ça génère de l'incompréhension. Bon, ben, y a un renouvellement des choses aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vécu ça il y a 20 ans, mais il y a 25 ans, qui ont pris des postes dans les administrations et dans les financeurs possibles, dans les services publics en gros, et qui vont un peu plus vers les musiques actuelles pour aller sur le terrain, c'est tout. Et on voit les effets, mais directs, quoi. C'est assez incroyable. Et tant qu'on ne misera pas sur une ouverture d'esprit, sur plein de choses, l'accès au théâtre, l'accès à la culture, l'accès au sport. Voilà, enfin, les gamins, enfin voilà, c'est pas un hasard si aujourd'hui on a des résultats scolaires un peu concon, et puis une frange de population des 25-34 ans, qui est prête majoritairement à voter Front National. C'est qu'on a raté quelque chose quelque part, dans le principe même de l'éducation. Qu'elle soit nationale ou parentale ou autre. C'est qu'il y a un problème quelque part, de toute façon. On va s'écouter Bacan et Prime Vert. Ouais, ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien, hein. D'accord. De très bons titres, enfin les quatre que tu as sélectionnés, puisque je les ai découverts quand tu as fait ta sélection. Moi, j'ai quand même deux dernières questions et ensuite on s'écoutera Bacan et Prime Vert. Moi, je voulais savoir où est-ce que tu te vois dans les toi-même personnellement dans les deux cinq ans à venir. Comment tu te vois? Je où tu te vois? Je ah, ici. Je sais pas. Je suis de nature. J'aime pas commencer un truc et ne pas le finir. Donc j'irai au bout de ce qu'on a commencé avec l'association avec. Par respect pour nos financeurs déjà, pour nos collègues, pour nos bénévoles, pour les musiciens, pour voilà, on sait qu'on a c'est la 30e des Rocomotives cette année. On sait qu'on a commencé un truc qui a évolué jusqu'à aujourd'hui. Ça dure et sans être mis en cause parce qu'il y a toujours une réussite, hein. c'est... voilà, alors sans concession aussi, mais moi non, je me vois complètement dans mes fonctions ici en espérant garder une certaine niaque physique pour endurer tout ça, parce que sur une semaine de festival c'est parfois un peu plus compliqué à partir de 50 ballets. Mais voilà, on a cette chance de très bien s'entendre au sein de l'association avec Victor et Jocelyn. On a un conseil d'administration qui est magnifique. Et il y a une petite centaine de bénévoles sur le festival des Rocomotives. Qui a lieu au mois d'octobre, ouais, chaque année. Fin octobre, ouais. Tant qu'on ne fera pas de copier-coller, qu'on ne sera pas contraint à en faire, je ne me vois pas arrêter ou aller ailleurs. Piquer au roco. Non, mais c'est même pas ça. C'est juste que voilà. Enfin, moi j'ai des propositions pour aller ailleurs et avec des salaires supérieurs. Enfin, c'est pas le problème. Mais ouais, j'aime bien ce côté ancrage sur le territoire, un peu activiste au niveau local et voilà, et titiller aussi les gens. gens autour de nous. Enfin, ça, c'est plus à titre perso, mais et ramener une certaine réalité de terrain, ramener l'environnement, écouter les autres aussi, hein, c'est hyper important. Ça m'arrive, mais quand ils parlent, parce que si on parle de politique, par exemple, ben, nous, sur le secteur, même nos élus ne parlent vraiment pas de politique, enfin, que ce soit au niveau local, départemental, personne ne parle de politique. Tout le monde prépare les prochaines élections, mais personne ne parle vraiment de politique. Ou alors, ça parle de communication, c'est tout. Et ça, c'est, je trouve, mais ultra affligeant pour l'avenir de tous. Quoi. Mais c'est pas grave, donc il faut qu'on essaie de voir les choses positivement. Mais en tous les cas, pour le milieu de la musique, je suis assez fier de ce qu'on a pu faire au sein de l'association, de ce que j'ai peut-être pu faire à titre personnel aussi dans les sphères un peu plus privées. Mais et avec cette envie de continuer avec les mêmes, en respectant les nouvelles générations, moi qui m'apporte énormément. Oui, mais je l'ai senti dans la jeunesse. Exactement. Je l'ai senti dans ce que tu exprimais tout à l'heure. Je me suis dit, c'est peut-être parce que tu as des enfants qui sont adolescents ou qui sont en même adultes peut-être. Ce sont nos références. Ouais. Parce qu'ils arrivent, ce sont les nouvelles générations qui arrivent. Comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils écoutent, etc. Et je pense qu'il faut s'adapter, il faut que nous-mêmes, on soit ouverts et qu'on s'adapte et qu'on on cherche à comprendre aussi. C'est ça, mais dans le milieu de la musique, c'est surtout qu'on voit des Mbappé en puissance, mais toutes les semaines. Quoi. Absolument. On se rend compte que notre génération, même musicalement parlant et tout ça, on est c'est très riche. On est vraiment des grosses merdes à côté de ces gens-là, de ces gamins qui alors après, on adhère ou pas, esthétiquement, c'est pas le problème. Mais derrière, le fond est là, il y a cette envie de bien faire, quoi. Alors après, moi, je me méfierais toujours des projets qui sont un peu surdopés au marketing, c'est-à-dire, dès qu'il y a une petite maison de disques ou un espèce d'accompagnement artistique fait par des privés ou autres, des structures ou quoi, et on voit autant de clips que de morceaux arriver, en général, moi, j'ai tendance à fermer le bouquin, quoi, très vite. Juste, allez-y, si vous êtes musicien, c'est faites de la musique, on verra le reste après. Enfin, c'est tout. Donc, et je les pousse à aller dans ce sens, moi, ces jeunes artistes et tout, de pas. Enfin, nous, moi, c'est un peu une devise, alors c'est très facile parce que c'est. Nous, notre meilleure stratégie en termes de communication, par exemple, sur le festival et tout ça, enfin, où voilà, c'est de pas en avoir, c'est de se laisser aller. On disait, mais. Moi, on est en train de booker plein de trucs pour les locomotives, là, les 30 ans et tout, qu'on espère grandeur nature, on va dire. Pas au rabais, mais on verra bien. Mais on les prépare comme si elles avaient lieu de manière top, enfin normale. Quand est-ce que. Enfin, les bookers qui sont là, mais la maison de disques et tout, quand est-ce que vous voulez annoncer? On sait pas. Moi, je leur dis, mais on a. Filez-nous les trucs. Donnez-nous l'accord d'annoncer quand on veut. Et moi, ça me prendra un matin parce que j'ai la patate pour partager. Peut-être je vais trouver les mots pour parler d'un groupe ou quoi que ce soit et partager telle vidéo et tout ça, puis annoncer le groupe qui va venir. Mais on n'a pas de stratégie à proprement dit, quoi. Et c'en est une. Alors après, on peut nous dire, bah oui, mais c'en est une de ne pas en avoir. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est plutôt selon l'humeur, selon tout ça. Enfin, je trouve ça assez cool, quoi. De pouvoir agir comme ça et puis de montrer parce que enfin moi ces festivals qui vont annoncer le teaser que ce teaser va annoncer la programmation sur une autre date enfin tu vois moi à un moment appelez-moi quand vous annoncez la prog puis c'est pas possible pour moi c'est juste le truc enfin voilà on annonce qu'on va peut-être annoncer un jour que ça va être annoncé mais bon normalement la surcom, parlez-nous de fond un peu, bordel. Pourquoi vous avez kiffé cet artiste? Pourquoi vous programmez celui-ci? Bah là, c'est pour la thune. Bah cool, moi je suis content de le savoir. Je me doutais que toi tu n'allais pas aimer, cher collègue programmateur. Mais pourquoi tu programmes ça plus que ça? Enfin voilà, ça c'est cool, ça. C'est cool. Ouais. Et dernière question, je te laisse voir un petit peu. Quel conseil tu peux donner justement à ces jeunes qui, comme tu dis, ils ont la niaque, etc. Mais quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui en toi, en tant qu'expert, expérimenté, je dirais, d'organisateur, de programmateur, un jeune qui veut devenir programmateur, par exemple, ou monter son label. Quel conseil, quelques qualités, tu peux sélectionner quelques qualités qui te semblent indispensables, ou comment on peut perdurer aussi dans ce domaine, dans ce milieu aujourd'hui, comment on y rentre, un peu quelques qualités, je dirais. Ouais, alors commençons par les jeunes, pas que les musiciens, j'ai envie de parler des gens, enfin, on s'aperçoit de ça sur le terrain, c'est les jeunes qui s'en sortent à un moment, c'est avec des passions, mm-hmm. alors qu'elles soient footballistiques, mm-hmm. musicales, ou autres, enfin, c'est pas le problème, c'est le gamin qui a une passion à 15 ans, mm-hmm. je veux dire, avant de passer le bac, il est déjà sauvé, enfin voilà, on sait que un gamin passionné est à moitié sauvé, enfin, c'est super. Et donc voilà, après, la passion de la musique chez un gamin, ben, faut pas se dire « Ah ben je veux être musicien, moi je peux pas entendre ça, je veux faire mon métier, je veux être musicien. » Parce que être musicien, bon, à part si on devient salarié de la garde républicaine ou d'un orchestre philharmonique quelconque, oui, on peut dire « je veux être musicien ». Et à un moment, malheureusement, c'est comme ça en tous les cas, c'est juste qu'on est dans un système concurrentiel qui a l'offre, la demande, et tout le monde ne vit pas de son art, quoi. Et ça, c'est compliqué, enfin, voilà. Donc, la personne, le gamin qui me dit, ben, j'ai un projet, je veux devenir intermittent dans les 2 ans, et tout ça, ben, je dis, ben, vas-y, fais ta vie, mais moi, j'ai pas envie de t'aider, quoi. C'est tout. Je dis, ben, va te faire le cuir dans les... Dans les bars, va faire tes concerts, va voilà, enfin, bourrine et tout. Et après, on en reparle. Mais dans un premier temps, non. Alors, monter un label, nous, on l'a fait parce que. On a monté Figure Limericans, en fait, parce que. Moi, j'ai déjà eu des expériences de label, mais. On a monté Figure Limericans parce que. On avait l'album de Gezir. Est magnifique et qui a bien marché, très bien marché. Il y en aura un deuxième en 2022. Les quelques copains qui faisaient la musique sur des labels indépendants et tout n'ont pas voulu s'occuper du projet. Du bon, bah, à un moment, on le fait nous-mêmes. Puis voilà. Enfin, puis je suis allé voir l'autre distribution qui est à Mont-Louis. Et, au début, moi, je voulais monter mon asso à côté. Puis c'est à l'autre distribution. Ils nous ont dit, mais je comprends pas pourquoi. Vous n'associez pas le label à vos activités actuelles, enfin les rocos, l'association Figure. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, donc je veux dire, c'est une conséquence d'un truc. On ne dit pas j'ai monté un label, donc après il faut que je trouve mes artistes. Non, c'est parce qu'on se retrouve dans une situation que voilà. Et moi je leur conseille à tous ces gamins d'aller faire des petites formations à droite à gauche, mais pas trop. Pas trop école de commerce, pas trop tout ça, mais plus basé sur de l'ouverture d'esprit. Donc il y a des formations incroyables, et en région on a la chance d'avoir Issoudun par exemple, où on s'aperçoit quand même que c'est un vivier de formation qui est, enfin de gens formés qui est assez important et qui est très respecté, et que moi j'adore en tous les cas, et j'adore les gens qui sont là-bas, donc ça c'est important. Et la deuxième partie de la question, quel conseil tu donnais en fait, que tu pourrais donner aux jeunes qui veulent démarrer, monter un label, hein, ouais. C'est ce que tu as répondu. Ouais. Hein. Il y avait un autre truc. Les programmateurs, hein, ton expert de programmateur, quel type de jeunes artistes que tu as en face de toi parfois, et quel conseil tu aimerais leur donner pour être peut-être plus repéré, plus... voilà, tu disais faire un peu plus le cuir, ouais. Mais... Après, on va me prendre pour un foufou encore, mais... moi, je suis pas un adepte des tremplins, des trucs... D'accord. Ah non. Mm-hmm. Moi, je pense que l'artiste avec un grand A, il y en a, hein. Mm-hmm. Pas tous. C'est une personnalité. Avec un grand A. C'est un charisme. Non, c'est pas ça, c'est juste... n'importe comment, s'il fait un truc qui peut avoir du sens culturellement, mm-hmm. auprès d'un certain public, mm-hmm. n'a pas besoin des inouïs, du tremplin X, du fer, des trucs, enfin voilà. Très intéressant, ouais. Que ce soit anglais ou français. C'est pas une obligation. Ça peut, ça peut être un truc qui peut permettre une sorte de rapidité à mettre le projet en route, mm-hmm. et donc à en vivre. Mm-hmm. Mais il faut aussi se méfier des retombées de tout ça. C'est-à-dire que parfois on tombe sur des maisons de disques malveillantes qui vont diriger le projet artistiquement vers un truc qui ne correspond pas forcément à l'artiste. Et voilà, enfin, et parfois peut être destructeur et dégoûter l'artiste en tant que tel, mm-hmm. le gamin, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a un aspect, il y a pas que l'aspect artistique, il y a l'aspect psychologique. Hein. Mm-hmm. On a vu des gamins se faire dérouiller mm-hmm. psychologiquement à cause de trucs du trop plein mm-hmm. avant 20 ans. Enfin, voilà. Mm-hmm. Moi, je peux en parler. Hein. Management de Repos pour Rose, mm-hmm. vous êtes inscrit aux Inuits. Découverte Printemps de Bourges en région, on va à Bourges, ils sont deux, un frère et une sœur, c'est des vendeurs de moi. En fin de concert, tout se passe bien, ils sont contents de jouer, donc mm-hmm. voilà, public de pro, je sais pas quoi, enfin ils s'en foutaient, enfin c'est pas le problème. Ils se sont pas déguisés pour l'occasion, ils avaient aucune pression. Mais ils ont compris après leur concert que, en fait, le concert était filmé, que ça remontait dans les bureaux à Paris et que les gens qui jugeaient. Aller visionner ça dans les bureaux à Paris et je les ai ramenés de Bourges et la première chose dans la voiture c'est Richard, plus jamais ça. Voilà. Et ben moi je suis plus du côté de ce genre d'artiste que voilà, au fond, c'est tout. C'est pas. Après je respecte le fait qu'on ait besoin parfois de d'être aidé et tout ça, mais voilà, enfin déjà moi avoir un projet artistique associé au nom d'une banque. Alors je prends des raccourcis évidemment là, mais c'est réel, ça me pose un réel problème, quoi. C'est un mélange des genres, c'est vraiment se faire bouffer par un truc idéologiquement qui est pas très beau, quoi. Enfin, mmh. voilà, enfin, séparons les dossiers, quoi. C'est ouais. Une banque a son rôle de banque, mmh. milieu artistique a son rôle d'artiste, mmh. et au milieu on a une force publique pour réguler tout ça, pour rester chacun à votre place, et nous on régule. Mmh. On finance, mmh. on prend, ou... voilà. Mmh. On va terminer l'interview mmh. par Bacchante Sécheresse. Mmh. Donc, ce sont quatre femmes. Oui. C'est ça. Et toujours de Figure Libre Records. L'album est sorti sur Figure Libre Records et c'est un exemple. Moi, je suis assez fan du groupe et pote avec certaines d'entre elles. Avant le projet, et puis bon, voilà, croisés, parce qu'ils font partie de différents projets à la base, et mm-hmm. qu'on a plus ou moins tous accueillis ici, mm-hmm. Dans le cadre des Rocco ou ailleurs. Mais voilà, c'est l'exemple type de. Je les ai aidés, elles se sont cognées la tête contre les murs pour essayer de trouver un label, mm-hmm. tout ça. Puis à un moment, ben voilà, ça prenait pas, et on s'est dit, bon ben on le sort nous. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et puis aujourd'hui, ça se vend super bien, sans concert déjà, il n'y a pas de concert. Mm-hmm. Ça a été coup de cœur Radio France là, il y a deux semaines. Enfin voilà, ça suit son cours. Et, alors après voilà, on a une distribution, on a embauché une attachée de presse, on a. Et tout roule. Enfin, on fait comme. Alors de manière certainement moins calée et professionnelle que des grosses boîtes mm-hmm. ou même des petites boîtes mais qui ont l'habitude et beaucoup plus d'expérience. Mm-hmm. Une chose est sûre, c'est qu'on le fait, alors certainement avec nos défauts, mais en tous les cas on y va avec passion et on défend nos projets, quoi. Mm-hmm. Et Prime Vert, en fait, The Flame. Alors Prime Vert, je parlais de Repos pour Rose juste avant, c'est le frère et cette sœur. C'est ça. Ils sont ici et Romain est le frère et c'est son projet perso. Mmh. Voilà. Donc on va s'écouter l'un après l'autre, Bacchante et Prime Vert. Mmh. Je vais te souhaiter une bonne organisation des locomotives, puisque tu me disais que tu étais dans l'organisation des locomotives. Donc voilà, on croise les doigts pour vous. On organise ça et puis le festival Gare à la Rochette qui aura lieu en juin aussi. Le rendez-vous, pardon ? En juin, oui. Gare à la Rochette, c'est... Gare à la Rochette, en juin. La Tour et la Rochette, le 18, 19, 20 juin, ouais. Voilà, très bien. Donc, moi, je noterai tous les liens, de toute façon, dans l'événement que je vais créer pour l'interview. Donc, je vais noter, en fait, dans le descriptif, tous ces rendez-vous, d'accord, pour avoir un repère. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter avant de terminer cet entretien ? Non, ça va, c'était super agréable et bonheur de pouvoir parler sans filtre de notre petit monde musical et général. Tout se rejoint de toute façon. Tout à fait. Tout est écho de tout. Donc voilà. Et, on est dans une période assez difficile et c'est assez plaisant de parler de ce genre de sujet et d'imaginer l'avenir et en essayant de garder une certaine vision positive de la chose. Bien sûr, ouais. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation dans les coulisses. De rien. À très bientôt, Richard Gouvin. Et bonne continuation au label et à toute ton équipe, puisque c'est une équipe. Merci. Pour voilà. Et à très bientôt, Richard. Au revoir. Merci. Je suis sans vous, je suis la sécheresse, je suis sans vous, je explain, but the chains go, but the life goes. It's too hard to explain, well, but you go.